la portion top 10 des palmarès Fou pour la semaine du 9 au 15 octobre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. T'avais un drôle de regard. Non, ça va, tout fonctionne là, maintenant sur ça mon ordinateur. Non, mais des problèmes avec ça, toi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ce matin. T'as un sort, t'as un nuage noir au-dessus de ta tête. Oui, tout à fait. Bienvenue sur votre heure de dîner pour la plupart d'entre vous. On est là du lundi au jeudi entre midi et 13h. Et aujourd'hui, dans la portion top 10, on va entendre les positions 10 à 6. Et comme on a seulement 3 émissions cette semaine, pas d'émission à cause de l'action de grâce, la première portion a été fusionnée avec la deuxième. Oui. Donc, on va avoir le temps de revenir sur des pièces qu'on a sautées précédemment. On va commencer avec les 10e place. En anglophone, il y aura Emily Haynes and the Soft Skeleton et Statuette qui reste stable en 10e. Mais on commence votre heure de dîner avec The Betrayers et Les Étoiles qui sont restées stables depuis la semaine dernière. Au palmarès, c'est fou! Au 89 FM! tries to. What is there to say? Build a shrine to fast goodbyes, and we played sweet Adeline. There's nothing more to apologize for. What is there to say? With all the cold. Ah, c'est Emily Haynes, elle a tellement une voix relaxante. Emily Haynes and the Soft Skeleton avec Statuette stable en 10e position anglophone. Et du côté francophone, eh bien, on est resté stable depuis la semaine dernière, malgré le fait que ça fait 4 semaines qu'on est au palmarès. C'était les étoiles de The Betrayers. Mm-hmm. Le prochain bloc, c'est les 9e en anglophone, The Andy Kaufmans, avec une pièce qu'on a pris l'habitude d'aimer, Inked Heart. Elle descend par contre de 2 places. Et du côté francophone, eh bien, je pense qu'on l'adore, mais elle reste en position stable, elle aussi, cette semaine. C'est le milieu des palmarès. Hein, exactement. C'est Maud Audet avec Galloway Road. Au palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM, mm-hmm. bien évidemment. Thank you. Heart avec The Andy Kaufman's au palmarès, c'est fou! Elle finit sec! Exactement, sec. Ouais, on s'excuse parce que on a des problèmes. Ouais, mais comme et tout le monde. On n'est probablement pas les seuls à avoir des problèmes présentement, vu que vous êtes sur votre aire de dîner pour la plupart, ouais. Et non pas dans vos cours. En tout cas, ça dépend si vous nous écoutez, j'espère que vous n'êtes pas dans vos cours. Et que vous êtes sur votre aire de dîner un petit peu partout à travers la Maurice. Oui, et ailleurs. Ouais. Mais il y a un problème Facebook depuis les 30 dernières minutes. La grosse nouvelle du moment, sûrement que si vous syntonisez une chaîne de nouvelles, ça va être Facebook ne marche pas! C'est ça, exactement. Il n'y a plus rien qui fonctionne sur Facebook présentement. Et on essaie de régler le problème, mais on peut pas régler le problème nous-mêmes. Hein. On essaie de se déconnecter, mais il n'y a plus rien. C'est ça le problème. On s'est connecté pour faire le test si ça marchait ou pas. Et puis finalement, on peut pas se déconnecter. Donc là, la prochaine fois que quelqu'un va venir en suivre, on va pouvoir voir nos affaires. Ouais, c'est ça. Je veux pas que ça arrive. Moi non plus. Ça ne tente pas de recevoir un post Facebook. T'en es un temps en on a l'après-midi pour vérifier ça, je pense. Non, c'est VHS. Non, exactement. Donc. On va essayer de faire ça rapido après l'émission. Alors, on va passer aux 8e place pendant qu'on essaie de trouver une solution à ça. À côté anglophone, ce sera Always avec In On Her Toe qui descend de la 3e place. Et du côté francophone, on descend de la 6e position. Voici Canaille avec Rendez-vous Galant. Vous êtes au palmarès C'est fou. Sur les ondes. De C'est fou. 89.1 FM. Ouais. Travail d'équipe, ça. C'est pas mal ça. High five. Oh, hey! Oh, c'est le rythme en plus! Avec moi pour un rendez-vous galant. On serait dû voir les cheveux dans le ventre sans qu'on ait rendu plaisant. J'ai comme une envie de t'amener avec moi pour le plus beau des moments. Une balade qui finira plus, on est grosseux, c'est bon temps. Un chantier pour se sentir vivant. C'est une invitation à faire le pire. On est meilleur insouciant. Quand même ben qu'on se pèterait les dents pour faire sortir le méchant. On est perdu puis on aime ça. Mais c'est pas important. 8. I'm not afraid to die. Dead from Above 1979. Et la pièce Never Swim Alone. Ok, oui. C'est bon. Tu vois, ce bout-là, il me fait un peu peur. Ah, je l'adore, ça fait musique d'ascenseur, lugubre un peu. Ah, tu vois, je trouve que ça faisait film de clown attaqueur. Ah, t'as pas tort là-dessus. J'ai pas écouté ça. Mais tu le verras pas non plus. Mais je le verrai pas non plus. Du côté francophone, eh bien, on avait descendu de deux positions aussi avec les Michel et Tôle Froide. Elle, j'ai l'impression qu'elle partira jamais. Écoute, elle est là depuis un bon moment. Seulement 6 palmarès, mais j'ai l'impression que ça fait 3-4 mois. Je sais. Bon. Ben, 6 palmarès, ça doit faire un bon... C'est à peu près ça. Ça doit faire un bon 3-4 mois. Bref, on est rendu au portion numéro 6, les dernières qu'on va entendre dans notre portion régulière top 10. Après ça, on va retourner à ce qu'on n'a pas entendu dans les précédents, dans la précédente édition, en fait. Donc, portion numéro 6 anglophone, ce sera Steven Wilson, l'ancien numéro 1, qui est maintenant en 6e place, 5e semaine de présence sur l'album To The Bone. Et de l'album Juvénile, voici Zen Bamboo avec Vladimir. Oh, palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Ah! Bonne petite carotte. Il y avait des tirs dans les murs et dans mes amis à Aka. Dans ce cas, c'est par les boucliers. Tu voyais tout. Un hôtel, je te l'ai fait plus leur cœur de bois avec la nez qui pousse. Petits oiseaux, au temps de descendre dans les mains du maître, en petits morceaux, au temps de la gomme, et ça s'arrête, je t'ai porté, je t'ai plus d'un jour. Vladimir, des soldats, des chiens, sans se tisser, sans se tisser. To the Jackson et la pièce Permanating, lancé numéro 1 anglophone, maintenant malheureusement 6e place. C'est bien dommage pour lui, mais à un moment donné. Hein? Ben, c'est comme ça, hein? On peut pas tout le temps rester au sommet. Et du côté francophone, eh bien, on a descendu de 2 positions depuis la semaine dernière. C'était Vladimir de Zen Bamboo. C'est moins pire, ça. Ouais. De descente, comme ouais, descente. Ouais, je sais. Parce que... Bref, maintenant qu'on a fini notre portion top 10 à 6, on peut retourner en arrière un petit peu parce que, bon, je me répète, là, mais il n'y avait pas d'émission lundi à cause d'Action de grâce. Exactement. On a fusionné l'émission du lundi et du mardi ensemble. Absolument. Et il nous reste des pièces qu'on n'a pas pu jouer. C'est bien ça. Donc, on va commencer par les positions numéro 16. Du côté anglophone, il y aura Aaron Delessio avec Destroyer qui est stable. Mais du côté francophone, on a monté de 2 positions. Enfin, des bonnes nouvelles. Finalement, eh bien, c'est Rudy Bernard avec Vanity Song. Au palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Réflexe subversif, c'est pas fictif. Esthétique, magnifique, dans le miroir magique, un charme énigmatique, des mimiques excentriques. Réfléchis. Et de libertinage dans la nuit sauvage. Angélique, le classique, capristique et délique, des éclats sardoniques, kaléidoscopiques. Enchanté, bariolage, grimage ou maquillage, la fête des mirages, des masques sans visage. Fantomatique. Miroite-moi, aime-moi, s'il te plaît, fais-moi croire, admire et emmène-moi loin d'ici. Miroir, miroir, oui, désespoir. Le rasoir vibe Beach Boys à la fin comme ça. Surf. Mais Aaron Delessio avec la pièce Destroyer, c'est en position numéro 16 du côté anglophone. Et oui, du côté francophone, c'était bien Vanity Song de Rudy Bernard qui est sorti de la 16e position cette semaine. On adore ça. Ouais. Pour ceux qui se demandent pourquoi on était dans la portion top 10, c'est qu'on a écrit les numéros 16. Maintenant, on est rendu au numéro 16. C'est qu'on a du temps, premièrement. Oui. Et sauter des pièces dans la précédente portion de l'émission. Et justement, on va continuer dans la même lignée avec les positions numéro 12 cette fois-ci. Donc en anglophone, il y aura Mise en scène avec Closer qui monte de deux places. Et du côté francophone, c'est Rosie Valeur avec Synchro qui, elle aussi, monte de deux positions. J'ai l'impression que t'as comme un chien qui a Synchro, là, tu sais. Synchro! Synchro! 1, 2, 3, 4, Synchro! Pareil. C'est des palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Mes jambes dans mes mains.

Hey, tire le coyote avec tes bras comme une muraille. 11e position en francophone. Exactement. Et on a aussi entendu la 12e, qui était Rosie Vallant avec Synchro. Et au tout début du bloc, c'était Mise en scène avec Closer qui monte de deux places. On saute par-dessus la 11e anglophone Race on TV avec Shower, Work, Repeat. Merci Tania Baudet. Merci à toi, Mathieu Blanc. On se retrouve pour le top 5 demain ou dans quelques instants pour les gens qui écoutent La Rafale les samedis à partir de midi, sinon en semaine, lundi au jeudi à exactement. Midi. Restez là pour VHS pour les gens du mercredi. Oui, là, là. Bye. Ça s'en vient. Là, là. Là, là, ben, là, là. Comme après la pub. Après la, ouais. Ouais, c'est ça. La chanson. Ici. C'est celle-là de Razor TV qu'on s'en va entendre. Là. OK. Non? C'est-tu correct? Ouais, bye. Bye. Send me.